Environ 700 personnes ont pris part à la marche du régiment immortel à Pékin dimanche, 2 jours avant le jour de la victoire du 9 mai. La marche a réuni des citoyens de la Russie, des pays de la CEI et de la Chine. L'ambassadeur de Russie en Chine, Igor Morgulov, s'est adressé aux participants lors de l'événement. « C'est une très grande fête pour nous. Nous la célébrons chaque année. La Russie est notre deuxième patrie parce que nous y sommes nés, nous y avons vécu et nous y avons étudié », a déclaré Zheng Fanglan, un participant. « Je ne suis venu à Pékin que pour 3 semaines et quand j'ai entendu parler de cet événement, j'étais très contente. J'étais contente quand j'ai pu participer car c'est très important pour tout le monde dans notre pays », a ajouté Anastasia, une autre participante. Le porte-parole de l'ambassade a déclaré que 2 fois plus de personnes ont participé à la marche de l'ambassade cette année par rapport à l'année dernière. Des marches de Besmetny Polk sont prévues dans les dizaines de villes à travers la Russie et à travers le monde pour marquer le 78e anniversaire de la victoire de la fin de la guerre patriotique. Les participants à la campagne marchent avec le portrait d'un parent ou d'un ancien combattant inconnu de la guerre dans les rues centrales des villes russes. Afrique Média, le monde, c'est nous.